des bananes. J'suis devenu un soula, l'alcool m'a souillé, je finirai sous l'eau. Ma chérie t'es belle, mais j'ai plus d'argent pour payer le Libala. Bébé Nanga, il a les clés. On va clore le débat. Bébé Nanga, il a les clés. J'mène une vie de débauche. J'ai tout tenté. J'suis dégoûté. C'est la débauche, maman Nanga, j'ai un débauche. C'est la débauche. C'est la débauche, maman d'Angra, je débauche. C'est la débauche, maman d'Angra, je débauche. Ah là j'ai compris, je suis un débauche. J'ai tout plaqué, même le bon chat. Comment vais-je atteindre le coche? Avec la poste qui me suit sans arrêt. Angra, c'est la misère. Je perds mes proches, c'est la misère. Angra, c'est la misère. Ma santé s'envole, c'est la misère. Dans la faillite, je fous la merde, c'est ma famille, je salis. Moi qui pensais avoir trouvé la faillite, je me retrouve ici, les poches vides comme un païen. J'ai plus rien dans les chevaux. Car la misère m'a chez coup. C'est la débauche, maman d'Angraï, je suis un débauchat. C'est la débauche, maman d'Angraï, je suis un débauchat. C'est la débauche, maman d'Angraï, je suis un débauchat. C'est la débauche. Maman d'Angra, je débauche. C'est la débauche. Maman d'Angra, je débauche. C'est la débauche. Maman d'Angra, je débauche. C'est la débauche. Maman d'Angra, je débauche. C'est la débauche. Maman d'Angra, je débauche.